J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutard, Paris certif. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris bistrot, Paris les potes. Paris les filles qu'on bécote et pelote sur les fortifs. Paris gamberge, Paris vinberge, Paris je t'emmène en goguette sur mon cadre de bicyclette. J'ai ta peau à déboutonner. Paris les bouges, Paris vin rouge, Paris oisif, Paris débauche, mais aussi Paris pas d'embauche, au seuil des usines gardées. J'ai vu Paris le poing brandi et l'âme révolutionnaire, découvrant son front populaire, Paris descendre dans Paris. J'ai vu Paris se passionner pour un roi lui rendant visite, un condamné qu'on décapite, une invention, un mot d'esprit. J'ai vu Paris s'époumoner à chanter un air à la mode, frou-frou, mon cul sur la commode. Mais par malheur j'ai vu aussi Paris la guerre, Paris misère, Paris décomposé qu'on viole, Paris qui n'a plus la parole, vaincu, souffrant et humilié. Paris la gronde, Paris la fronde, Paris courage, Paris terne, Paris gazogène et en berne, Paris Londres parachuté. J'ai vu Paris jouer sa vie, Paris ras-le-bol des brimades, et juger sur ses barricades, Paris redevenir Paris. J'ai vu Paris se transformer, s'emballer pour l'automobile, Paris se croire aux mille mille, Paris chauffard, Paris râler. J'ai vu Paris se libérer, Paris blue jean, adieu complexe, Paris égalité des sexes, Paris pilule émancipée. Paris qui grogne, Paris qui cogne, Paris aux urnes prophétiques, Paris qui parle politique et s'enflamme pour une idée. Paris en grève et Paris qui rêve, Paris assis cassant la croûte ou pissant sur le bord des routes, arrosant les congés payés. Paris d'hier et de toujours, Paris 20 siècles de jeunesse, pour tous tes amants, tes maîtresses, tu restes le plus grand amour.